Chapitre 1. Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Fin. La fin est si vite arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolet.ca. Bonsoir tout le monde. Hey, faisait pas chaud un matin. Bonsoir sur l'épisode 18 de Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec. On a des super belles choses pour l'épisode 18. Hey, beaucoup de musique. On a... Hey, c'est trop. Je vais regarder ça, là, puis je vais vous dire. Il est encore avec nous autres. Tu sais, sur Genix et Climax 80, on a décidé pour tout le mois de novembre que notre petit récapitulatif, ça va être avec Ace Frehley. Shock Me, non. Ace Frehley, The Kiss. Rocket Rider. That's right, The Rocket Rider. Merci à Yacine, the taxi driver, qui nous a gentiment amené ici. Merci Yacine, ainsi qu'à tout le bon peuple de Tunisie, tous les amis de Tunisie qui sont ici au Québec ce soir et qui nous écoutent. Salut tout le monde. Vous êtes sur CKRL Radio, le 89,1. À Québec, la ville. Ça a coupé raide. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Bonsoir tout le monde. Rebonsoir. Bonsoir Lana. Bonsoir Florian. Bon, alors bienvenue à cet épisode 18 de Genix et Climax 80 sur CKRL Radio, le 89,1 en direct de Québec, la ville. On a salué les Yacine et on va va saluer les taxis coop. Il y en a un d'ailleurs, juste au coin. Ici, on est au coin de la 3e avenue à Québec, à Limoilou. Salut, taxi numéro je sais plus quoi. On te salue. Alors, voilà. C'est fait. Maintenant, on va aller à notre récapitulatif habituel. On est revenu. Ah oui, je voulais dire aussi. Hein? On a quelque chose de nouveau depuis la semaine dernière. Le téléphone. Hey, vous pouvez nous appeler, les amis. Vous pouvez nous appeler au studio directement. Le téléphone va sonner directement dans les studios. Au 418-640-1586, les amis. Appelez-nous pour nous donner des nouvelles. Nous absoudre de notre tâche originelle d'être des patriotes. On est des patriotes, les amis, ici, sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec. On est des patriotes canadiens et français. Et on tient à ce que ça reste comme ça. Voilà. C'est comme ça, les amis. Et en plus, vous savez quoi? On a le piton collé. Puis Ace va continuer à faire notre guide spirituel pour tout le mois de novembre, parce qu'on est en deuil de Ace. Ace, The Spaceman, sur le 89,1. À Québec. From the start you wanted to fly. I got the rocket and you on the ride. Sing the rocket and ride. Baby wants a flash. Baby wants a flash. She wants a rocket ride. Pour les nouveaux venus, l'émission Genix et Climax 80, eh bien, c'est facile. C'est d'abord un feuilleton radio. D'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80. C'est le titre de ce bouquin, dont le texte est interprété par l'auteur lui-même, Monsieur Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. Au milieu des années 80, dans la ville de Québec, les tribulations sentimentales et masturbatrices d'un jeune adolescent de 15 ans qui, suite au divorce de ses parents et à l'éclatement de sa famille, cherche l'exutoire dans la musique métal et la semi-délinquance. Alors, précédemment, dans Genix et Climax 80, bon, alors, de l'épisode 1 à 12, on a pu asseoir notre truc bien tranquillement. On a pris notre temps, hein, surtout avec nos deux épisodes pour notre préface. une excellente parlotte au sujet des années 80, etc. Donc ensuite, on a pu présenter notre Genix, le héros de notre histoire, votre feuilleton radio préféré. Genix et Climax 80. Depuis l'épisode 13, en fait, c'est ça, on court après notre queue avec le Genix. On cherche sa maman. À l'épisode 13, on s'est levé le matin et maman était partie. Et depuis ce temps-là, on la cherche. On l'a cherchée aux 32 côtes du passage. La côte du passage, c'est à Levy Beach. Levy Beach, c'est sur la rive sud. La rive sud de Québec. Québec City. Et ensuite, elle n'était pas là. Donc, on s'est dirigé vers la rue Saint-Laurent. Et là, c'est là qu'on était rendu. Iron Maiden, Rothschild. Vous écoutez CKRL Radio, la nuit, au 89,1 à Québec. On dédie d'ailleurs cette chanson à tous les enfants fâchés, tous, sans exception, sans couleur politique. On dédie cette chanson à tous les enfants fâchés de la ville de Québec. C'est-tu clair? OK. Yes. Je pense que oui. Alors... Il y a des enfants fâchés dans la ville. Et on va d'ailleurs dédier cette émission à notre fils, Léon. Salut mon petit homme. Là, c'est papa et maman qui te disent d'aller te coucher. Tu l'écouteras en différé, l'émission, mon petit homme. Il est trop tard, là. Hey, minuit et quart. Fais tes beaux dodo. Oui, tes beaux petits dodo. Va faire des petits dodo, mon petit homme. Tu l'écouteras plus tard. En différé. T'as juste à faire Genix et Climax 80, Google, et paf, tu tombes dessus. Alors, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, alors, on va y aller avec notre séquence 1 à la page 148, qui suit cette excellente chanson, Rothschild, de Iron Maiden, extraite de leur album Killer, dont on a parlé plus avant dans d'autres épisodes de Genix et Climax 80, les amis, qui fait une large part à cet excellent groupe British de notre Commonwealth. Hein? On est dans le Commonwealth, c'est pas vrai? Il semble. On a fait prêter serment, non? Au roi George. Il me semble. Je sais pas. Moi, j'ai pas fait, là, mais il y en a qui l'ont sûrement fait, en tout cas. J'imagine. En tout cas, on va voir ça. Alors, on est ici, sur CKRL Radio, au 89,1 FM. Je sais plus si ça se dit encore, ça, FM. Ben, maintenant, il n'y a plus de AM. J'imagine que tout le monde est FM, non? Ça, je me demandais l'autre fois. Vous pouvez nous le dire, les amis, si vous le savez, là. En tout cas, c'est au 88-640-1586. Appelez-nous pour nous dire si ça se dit encore FM ou AM ou je sais pas. Il me semble, moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, il n'y avait plus de FM. Même d'ailleurs, si vous essayez sur votre radio, est-ce qu'il y a encore un FM? Un AM, je veux dire. Il me semble qu'il n'y a plus de AM, non? Toi, Lana? Ben, ça dépend de l'année de la fabrication de la radio, j'imagine. Sans doute, ouais. Bon, alors. OK. Alors, sans plus attendre, allons-y à la séquence 1, à la page 148. Qui est, d'ailleurs, vous le savez, les premiers épisodes, les premières séquences qu'on dit sont toujours les dernières séquences qu'on a dit dans l'épisode précédent, donc l'épisode 17 qui est disponible en balado diffusion. Vous pouvez y aller partout dans le monde où que vous soyez, les amis. C'est normal, c'est le bingo balado diffusion boy obligation to get in your discothèque, votre bibliothèque audio, les amis, collectionnez-les avec plaisir. Nous, on le fait. Enfin, nous, on est, d'une certaine façon, intéressés à les collectionner. Enfin, bref, allons-y à l'épisode, à la séquence 1, à la page 148. Il y avait aussi posé négligemment dans un coin sa trousse de maquillage qu'elle n'omettait jamais de prendre avec elle en voyage, mais toujours aucun signe de ma mère. Laura Branigan, The Beauty, The Crazy Beauty, The Gloria of the 80s. Il y avait aussi posé négligemment dans un coin

propos de Laura Branigan. Je disais qu'elle faisait la choriste pour Leonard Cohen. Ah ouais? Jusqu'à 79, où elle s'est engagée avec Atlantic Records. Et donc, son premier album, c'était en 82, je pense. Ouais. En s'appelant Branigan. Ouais. Et son hit, c'était, c'est sûr, Gloria. Gloria. Je pense que Gloria. Beaucoup wow. de personnes. Fantastique, Laura. Laura, on te dédie la belle province et le Saint-Laurent. Laura. Et mais vu qu'on est sur Pat Benatar, sur Patti Smith, yeah. Ben, cette chanson, elle a faite avec Bruce Springsteen, effectivement. Bruce tu savais ça? Ben, regarde le style, c'est ça, non? Yeah. On imagine Bruce. On écoute Patti Smith. Because the night. Vous écoutez CKRL Radio. Québec. La nuit. La nuit. Live. Québec. That's right. Le 89,1. Et c'est la nuit, les amis. Alors, manifestez-vous au 88-640-1586. Appelez-nous, les amis. Et dites-nous, donnez-nous de vos nouvelles. On va aller à une pub et on vous revient tout de suite après sur Genix et Climax 80 au CKRL Radio. CKRL.QC.CA. Membre de CKRL, participez à l'Assemblée générale annuelle et exprimez-vous sur l'avenir du 89.1. Rendez-vous le lundi 24 novembre à 19h, sur place au 405 3e avenue à Limoilou ou directement en virtuel. Attention, vous devez être membre pour y participer. Pour tous les détails et pour vous inscrire, googlez CKRL. Le Théâtre Niveau Parking présente Job de Maxwell Friedlich, un thriller psychologique théâtral de 80 minutes. Un tête-à-tête sous tension entre une génération en crise et un monde en chute libre. Jeanne, une employée de la tech au bord du précipice, rencontre Edgar, un psychologue chevronné d'une autre génération. Rendez-vous au Théâtre Périscope du 11 au 29 novembre prochain. Préparez-vous à être secoué. Pour réservation, théâtrepériscope.qc.ca. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique folk avec Montana. J'ai pas le temps de travailler, j'ai à peine le temps de vivre. Une voix rocailleuse, un piano délicat, des rythmes tantôt langoureux, tantôt fougueux. Mentana, c'est une aventure musicale portée par Robin Joël Cool et Viviane Audet, avec Yannick Parent et Eric West-Millet. Au programme, des chansons de leur plus récent album Les Froliques, des classiques revisités et des récits savoureux, drôles et touchants. Entre musique et humour, entre fêtes et voyages, embarquez dans l'univers folk unique de Montana le 21 novembre au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Un temps de chien, un temps de chien, un temps de chien. Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes. Salut, c'est la bottine souriante. Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles. Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Un livre audio de la Guignolée des médias, lu par Anne Dorval. Chapitre 1. Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Fin. La fin est si vite arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolet.ca. Alors, de retour à notre émission Genix et Climax 80 sur CKRL Radio. le 89,1 à Québec. Donc, on a entendu Anne Dorval et son message pour la Guignolée. Et on veut renforcer ce message et inciter les gens, ceux qui ont les moyens. Enfin, on n'est pas beaucoup à avoir les moyens de nos jours, mais donner pour la Guignolée, qui est une tradition de chez nous, les Canadiens français. De la belle province où on se souvient de nos bonnes gens. Allons-y. Effectivement, je vais en profiter pour dire que l'organisme Saint-Vincent de Paul, ils vont faire effectivement le guignolet de 4, 5 et 6 décembre. Bravo. Partout dans la ville de Québec, dans les supermarchés ou même dans les locaux et même sous la rue. Alors, donnez, les amis. Donnez généreusement pour la Guignolée de chez nous. Et ça va nous mener tout droit à notre... Enfin, à la suite de notre séquence 2. Qui s'intitule Une clope, c'est beaucoup mieux que rien. Page 149. J'ai fumé une clope en pensant que c'était beaucoup mieux que rien. C'était rassurant, au moins. Je trouvais les pubs les plus populaires particulièrement réconfortante, surtout celle qui vendait des voitures familiales. Je me sentais un peu comme la petite chèvre de M. Séguin, perdue dans les bois au milieu de la nuit, juste avant qu'elle ne rencontre le loup. Je me trouvais si loin de ma chambre, loin de mon petit lit que mon père trouverait intact au matin sans que personne ne le défait pour dormir dedans. Et on écoute Stevie Nicks, Stop Dragging My Heart Around, album Belladonna de 80, 27 juillet. Ouais. On écoute Stevie Nicks sur CKRL Radio, le 89,1 à Québec, la ville. Enfin, à tout le moins, j'avais finalement trouvé où maman prévoyait de se planquer, bien qu'elle brillât de nouveau par son absence. Et je me retrouvais dans ces petites choses, mort de fatigue. La larme à l'œil, j'attrapais son joli paletot vert pomme sur la chaise. Il avait son odeur. J'y appuyais ma tête et m'endormis presque aussitôt d'un sommeil profond et sans rêve. Make Stop Dragging My Heart Around. Il est minuit 35. Il fait 1 degré Celsius sur la vieille capitale. Les rues sont détrempées. Et nous sommes là, avec vous, afin de chercher encore une fois dans cet épisode 18. Ce fameux l'exutoire. L'exutoire, les amis. Le défoulement absolu. La raison pour laquelle nous nous levons le matin. Et nous allons et nous venons. Séquence 3. Et nous entrons maintenant dans notre feuilleton radio préféré. Et la première séquence inédite de la soirée. Et ça s'intitule La matinée très belle. La matinée très belle était déjà avancée lorsque je fus réveillé en sursaut par la porte d'entrée juste devant moi. Mais, en fait, avant la séquence 3, je veux parler de Elsa. Elsa... Longini. Elsa Longini. C'était, en fait, le pendant, disons, de Vanessa Paradis. Et elle parlait du divorce à l'époque. Et donc, en 1985, le divorce... C'était pas si courant que ça. C'était pas la norme, en fait. À l'époque, on se mariait et on restait ensemble, mais dans les années 80, ça a commencé à être courant, le divorce. Et chez nous, donc, dans notre feuilleton radio, le divorce, c'est quand même un thème important. Et donc, c'est pour ça que j'ai cru que c'était totalement adéquat de mettre cette excellente chanson tout à fait caractéristique des années 80. Elsa, Papa, t'en vas pas. En Yougoslavie, le divorce des années 80, comment ça marchait? Mais c'était pas comme aujourd'hui, c'est sûr, mais it's a touchy, le divorce toujours, c'est pas la joie. Non, bien sûr. Et Elsa, c'était la petite fille qui jouait dans, c'était un film des années 80, un film français. Avec, je me souviens plus du nom de l'acteur, là, super connu. Et donc, c'est la petite fille de 14 ans. Et je trouvais donc, ça fitait au bout avec Jennings et Climax 80. Donc, on suit en ce moment la péripétie d'un jeune homme de 14 ans qui essaie d'empêcher le divorce de ses parents. C'est pas beau le divorce, les amis. Faites pas ça à la maison. Papa, je suis sûr qu'un jour tu reviendras. Moi, je pense qu'il y a toujours un moyen de moyenner quand on s'aime. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lana? Oui. Nous, on a-tu eu de la merde? Hein? As-tu eu des problèmes? On a eu des problèmes, quand même. Bien sûr que oui. Bon. On a réussi. Bon an, mal an. Bravo. À toi. Je t'aime. Moi aussi. Voilà, c'était Elsa et sa chanson Papa, ne t'en va pas. D'ailleurs, Elsa, j'avais fait une chanson à l'époque, c'était dans les années 2002, je pense. J'avais une chanson avec mon ami Nicolas Richard. Nico Richard, cher ami, je te salue. Et c'était une chanson qui a été quand même son single, son dernier single qui a quand même marché. Et ça m'a bien fait plaisir de participer à la carrière de Elsa avec cette chanson « Seconde vie », je pense, ça s'appelait. Donc voilà, c'était tout à fait amusant. Et ça va nous permettre d'ailleurs d'aller à cette fameuse séquence 3. La séquence « Bonjour, voiture blanche qui... » s'arrête au coin de la 3e avenue et de la 5e rue. Non. 4e, je me souviens plus. 3e rue, évidemment. Au coin de la 3e rue et de la 3e avenue. Nous sommes là, les amis, en direct de Québec City. Et on va aller à la séquence 3 qui s'intitule « La matinée très belle ». La matinée très belle était déjà avancée lorsque je fus réveillé en sursaut par la porte d'entrée juste devant moi. The Bangles, avec la belle Suzanne. Automatic Monday. Hey, on est Thursday, là. C'est beau. On est rendu. On salue les gens qui travaillent et particulièrement, on veut saluer les amis, les collègues du BW Centre-Ville. Christophe, Richard, Nasri et Michel. Bon week-end tout le monde sur CKRL Radio au 89,1 à Québec. Automatic Monday. The Bengals. Hey, Lana, elle me dit, arrête de niaiser, là, puis vas-y, shoot. Oui, non, c'est pas vrai. C'est pas que je suis en train de niaiser, mais c'est juste que on avait décidé de essayer de rendre ça tout à fait émotif. Et de suivre les péripéties de notre Genix, qui vient de terminer sa première nuit blanche. Ça valait-tu le coup de mettre The Bengals, hostie, juste pour, bon, diviser, je veux dire, et faire un buffer entre le dimanche et le lundi, quand même? Non? Pas vrai? Vrai, vrai. Bon, alors. C'est vrai que des fois, je fais le niaiseux. Je l'avoue. Mais c'était pas le cas. Ce soir, je tiens à te dire, Lana, c'était pas une histoire de niaiseux. Et on va y aller vraiment, tout à fait, avec notre prochaine séquence, qui est la troisième séquence de cette 18e date. Notre 18e date. Ensemble. Rencontre, effectivement, je voilà. Voulais dire, c'est ça. Oui, rencontre, bien sûr. Rendez-vous. J'ai buggé, j'ai laissé le piton coller. C'est ce qui arrive des fois quand on pousse sa loque, bébé. Mais, allons-y, avec la troisième séquence de cette 18e épisode. Ce 18e épisode de Genix et Climax 80. Votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Page 149. La matinée très belle. La matinée très belle était déjà avancée lorsque je fus réveillé en sursaut par la porte d'entrée juste devant moi. On écoute David Bowie. Let's dance. Il va nous guider pour cette troisième séquence. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song. Le cœur battant, je me redressai brusquement, me frottant les yeux pour secouer de ma tête le rêve étrange que je croyais faire. Ma mère se trouvait là, toute souriante, baignant dans la lumière matinale. Je me souviens qu'elle m'avait vaguement demandé ce que je faisais là et comment j'avais fait pour entrer. Cependant, elle n'avait pas l'air surprise du tout que j'ai réussi à dénicher sa planque secrète. Non plus que je me retrouve ce lundi matin au bon milieu de ses affaires. En plus du fait que j'avais mis de la bave sur le col de son joli paletot vert pomme. J'avais mis de la bave sur le col de son joli paletot vert pomme. de la bave sur son joli paletot vert pomme. Fuck. À vue de nez, elle semblait presque contente de me voir, comme un vieux pote ou une ex rencontrée par hasard à un feu de circulation et qu'on n'aurait pas vu depuis une éternité. Et ben alors, mais... qu'est-ce que tu deviens ? Pas de nouvelles ? Bonne nouvelle ? Ça fait une paye, dis donc. T'as l'air superbe. Content de te voir. Et que la vie te traite bien. Toi aussi. Tu le mérites, tu sais. Amen, mon fouave. En tous les cas, cet air ravi et léger qu'elle affichait me plongeait dans un bain d'acide et je sentais tout mon être dégringoler à vue d'œil, à l'intérieur et tout autour de moi. Juste comme un putain de gâchis. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas venue seule. Elle était accompagnée d'un homme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et que je présumais être la raison matérielle en chair et en os pour laquelle ma mère avait quitté notre foyer familial. Ainsi, mon père avait eu raison. Depuis le début, maman nous avait tous trahis. Je n'en revenais pas. On écoute Madonna. If I live till there. Il est 00:55 et on va aller à la publicité juste après. Et on vous revient tout de suite après ça sur votre feuilleton radio préféré, Genix et Climax 80, sur CKRL Radio, le 89,1. À Québec, la ville. vous faites des idées sur tout et n'importe quoi parce que vous cherchez désespérément un semblant de contrôle. En quête de pouvoir, savez-vous de quelle manière l'industrie culturelle use et abuse de l'art? Ou de réponse? Vous trouverez tout cela et bien plus au Théâtre Périscope. Consultez notre programmation théâtrale en ligne au théâtrepériscope.qc.ca pour une découverte culturelle captivante. À l'affiche en novembre, Job, puis en décembre, Use et Abuse. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique folk avec Montana. J'ai pas le temps de travailler, j'ai à peine le temps de vivre. Une voix rocailleuse, un piano délicat, des rythmes tantôt langoureux, tantôt fougueux. Montana, c'est une aventure musicale portée par Robin Joël Cool et Viviane Audet, avec Yannick Parent et Eric West Millet. Au programme, des chansons de leur plus récent album Les Froliques, des classiques revisités et des récits savoureux, drôles et touchants. Entre musique et humour, entre fêtes et voyages, embarquez dans l'univers folk unique de Montana le 21 novembre au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. Un temps de chien, un temps de chien. Le site archéologique Quartier Robertval à Cap-Rouge prolonge sa saison de visites libres jusqu'au 21 novembre. Venez admirer la vue spectaculaire depuis la passerelle, capturer des clichés inoubliables ou simplement vous ressourcer au cœur de paysages automnales magnifiques. Ne manquez pas cette dernière chance de découvrir un site historique et une vue impressionnante avant l'hiver. N'oubliez pas, cet automne, on se donne rendez-vous au site archéologique Quartier Robertval à Cap-Rouge. Vous cherchez des produits biologiques de qualité à Québec? Ne cherchez plus. Alimentex, la première épicerie biologique depuis 1969, est là pour vous. Située sur la 1ère avenue, coin 12e rue à Limoilou, nous avons tout ce que vous avez besoin en un seul endroit. Visitez alimentex.ca pour en savoir plus. Trois soirées à ne pas manquer à l'Anglicane. Mercredi 19 novembre, Possession. Marc jongle entre les emplois et les esprits. Une rencontre financière qui vire au paranormal. Vendredi 21 novembre, Stepette et Cornemuse. Chantal Lamar revient en solo avec un cabaret biocomique aussi vintage qu'actuel. Mercredi 26 novembre, Le ciel est une belle ordure. Quatre femmes, une mère, des mondes qui s'entrelacent entre réel et irréel. Trois soirées, trois univers. Ne manquez pas ces rendez-vous uniques. Informations et achats au espacedcl.ca. Sur Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré dans toute la francophonie. Parce que l'émission Genix et Climax 80, vous savez les amis, c'est d'abord un feuilleton radio. D'après une œuvre originale et encore inédite, Genix et Climax 80, c'est le titre de ce bouquin. Le texte est interprété par l'auteur lui-même, M. Florian, votre animateur, tous les vendredis de minuit à 2h du matin. C'est donc une émission à caractère littéraire et un programme musical aussi incroyable qu'éclectique, composé des plus grands succès de la décennie 80. Et où vous pouvez nous téléphoner, les amis, au 88 640 15 86, pour nous donner de vos nouvelles et nous dire que vous adorez la pistache, la glace à la pistache, ou n'importe quoi où la pistache entre dans la composition. Nous adorons la pistache. Et toi, Lana, est-ce que t'aimes la pistache? Oui, c'est un de mes goûts préférés. Et pourquoi? Non. Ça, c'est trop intime pour t'expliquer. Ben oui, oui, je sais. Je sais tout ça. Il faut pas tout dire non plus, évidemment. Il faut savoir réussir à se censurer. Et si on veut réussir à aller à la séquence 5, il faut bien faire ce qu'il faut pour assurer la pérennité, les amis, de ce show. Genix et Climax 80 sur les ondes de CKRL Radio, le 89,1 en direct à Québec. De lis-moi la loup. De lis-moi la loup, allez, disons-le, lis-moi la loup. C'est beau, lis-moi la loup. On est sur la 3e avenue et on adore ça. On se croirait sur le décor de Carmen Lamaine. C'était cette fameuse pièce dont je n'arrivais pas à me souvenir du nom dans l'épisode précédent. Je crois que c'était dans notre spécial d'Halloween, d'ailleurs qui est encore disponible en Bingo Balado Diffusion. Allez-y, Bingo Balado Diffusion. Vous faites Genix et Climax 80 / Google. Et pouf, Bingo Balado Diffusion. Vous avez partout, où que vous trouvez dans le monde, que ce soit à Tahiti Beach, ou que ce soit à Montpellier, ou que ce soit sur les bords de la station métro Goncourt. Eh bien, vous pouvez écouter Genix et Climax 80. Partout dans la francophonie. Allons-y donc avec, sans plus attendre, sans plus de bavardage ou de tricotage, allons-y avec la séquence 5. Elle nous plaquait à la page 150. Elle nous plaquait pour ce type insignifiant à la moustache grisonnante. Il avait l'air d'un espèce d'homme de main ou d'un flic qu'on lui aurait collé au basque, les bras ballants dans l'embrasure de la porte. Mais à part ça, on aurait dit qu'il semblait aussi surpris et embarrassé que moi d'apercevoir l'autre côté des choses. De plus, ce fait inouï qu'à mon instar, ainsi qu'à celui de ma mère, il se prénomme F. Cela ne faisait qu'ajouter à mon trouble, à ma honte soudaine de me trouver là, tel un complice complaisant, coupable de porter le même nom que ce portefeuille. Lui, que je tenais pour responsable de la débâcle morale de ma mère. Et je me détestais pour ça. Ma mère, elle, tout sourire dehors, avait momentanément congédié notre homonyme d'un mot en l'envoyant chercher quelque chose à manger pour moi. On écoute The Rolling Stones, Honky Tonk Women, sur CKRL Radio, le 89,1. Honky Tonk Women. C'était une chanson des Rolling Stones. Vous êtes sur l'émission Genix et Climax 80, votre feuilleton radio préféré sur les ondes radio de CKRL au 89,1 à Québec. Et c'est tous les jeudis de minuit à 2h du matin. Et vous pouvez nous rejoindre, les amis, sur les réseaux. En fait, on est sur X. Vous faites Genix et Climax 80. D'ailleurs, vous faites Genix et Climax 80 / Google et vous allez trouver bien des choses, quand même. Vous allez trouver des playlists, vous allez trouver notre X, vous allez trouver toutes sortes de choses. Allez-y. Faites-nous savoir si vous aimez ce show. Parce que nous, on a chaud à force d'essayer de savoir. Alors, faites-le, les amis. Aidez-nous à trouver la voie. Pas la voix. Pas la voix comme ça, mais la voix La voix qui nous permet de trouver. Ensemble, peut-être. Ce soir même. L'exutoire. Tout comme le Genix. Tentait désespérément de trouver sa maman durant ce soir, cette fameuse vadrouille, cette fameuse grande virée noctambule qui a pris fin ce soir, oui. Maintenant, on est rentré dans le lundi automatique, et c'est le lundi automatique du mois d'octobre 85, ce soir. On a commandé une nouvelle pizza. En fait, non. Une nouvelle séquence. Ce soir. Pour notre show. Genix et Climax 80. Sur CKRL Radio. Le 89,1. À Québec. La ville. Une fois débarrassée de l'autre, elle me sermonna mollement. « Enfin, mais qu'est-ce qui m'avait pris de faire ça? Et d'abord, pourquoi n'étais-je pas à l'école aujourd'hui? » Puis elle m'avait gentiment mis au parfum de ce qui se tramait au-dessus de nos têtes. On aurait dit qu'elle n'était plus la même. Imperceptiblement, comme elle avait changé. Jamais je ne l'avais vue si légère. On aurait dit qu'elle se réjouissait, au fond, du divorce qu'elle envisageait. Comme si tout cela était sans importance pour elle. Je la voyais tout à sa joie, enthousiaste de sa de femme amoureuse, optimiste, comblée. Et ni moi, ni mon père, ni mon frère, ni mon chien n'avions quoi que ce soit à voir avec sa félicité actuelle. Cela me rendait encore plus convaincu de l'inutilité de toute démarche pour renverser sa décision et la faire revenir à la maison. Non, elle ne reviendrait pas, du moins pas dans l'immédiat. Vas-y, Martine, chante-nous. À quoi ça sert d'avoir l'amour? Dans ses yeux. Vous écoutez CKRL Radio, le 89.1. Tu sois gagnant. regarder. Oui, jure-moi de me dire encore ces choses qui me font chavirer. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain, Martine, hey, tu nous donnais tellement, tellement, tellement de toi. Ça nous manque des artistes comme Martine, qui met, enfin, qui mettait ses tripes sur la table. C'est ça le génie canadien-français, les amis. La belle province, c'était ça. C'était mettre ses tripes sur la table. Alors voilà, ça nous mène, bon an, mal an, à notre séquence numéro 7, à la page 152. Ça s'intitule « Le petit garçon gâté ». À sa maman. Alors, en bon petit gâteau, en bon petit garçon gâté à sa maman, je lui ai signifié avec le plus grand sérieux que, dans ce cas, moi non plus, je ne retournerai pas à l'école, ni à la maison d'ailleurs, pas tant qu'elle ne rentrerait pas, elle aussi. Mais malgré tous mes efforts, elle ne perdait rien de sa belle assurance. Pour l'heure,

ça m'arrivait souvent. On écoute Marie-Denise Pelletier avec son histoire d'un soir sur CKRL Radio, la nuit à Québec City. On se voyait le soir à la fois, refermant la porte derrière soi, pour une histoire de soir, avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait. L'instant d'après, mon cul prenait place sur la banquette arrière du vieux Zéphyr marron, un peu écaillé de l'autre, notre fameuse homonyme à moustache. Ma mère tenait absolument à aller me reconduire au lycée, mais je continuais à m'obstiner dans mon refus et dans ma grogne. Tina Turner, What's Love's Got to Do with It? 1 degré Celsius sur la vieille capitale. Ça va fondre. Alors, on garde la pêche et on écoute Tina sur CKRL Radio la nuit au 89,1. Quebec. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do?

12, qui est l'avant-dernière séquence de notre soirée 18, de notre épisode 18 de votre feuilleton radio préféré. Il est 1h44. Il fait 1 degré Celsius. Et c'est de justesse qu'on reste au-dessus du point de congélation. Tout cela veut dire, les amis, que le petit peu de neige qui reste va fondre durant ce week-end. Et c'est déjà ça de prix. Je m'étais bien gardé d'appeler mon père pour lui dire ce qui en retournait. J'avais laissé ma mère s'en charger, afin de me mettre sans attendre à la recherche d'une chambre à louer. Une chambre avec le lit et le cendrier fourni, situé rue Kennedy. Là où je finirai le soir même par revenir dormir ma première nuit, après avoir versé les $120 du loyer pour le premier mois. C'est bien simple aussi, ça s'appelle chambre à louer. Mais pour vous introduire le personnage en question, le seul gars qui est barré dans tous les hôtels, tous les tavernes du Canada, Winnipeg, Vancouver, barré partout, je vais vous faire une espèce de pot-pourri de ses œuvres. On écoute Plume la traverse, notre cher ami national. Notre cher... Quand tout le monde s'en couchait, moi je commence à chanter. Yes! Tout en tapant du pied. Oui! Mon père qui ne dort pas, répète dans sa tête tout bas. Il faut que j'aille jouer à balle avec mon gars. Pim, pim, pim, pim. Il faut que j'aille jouer à balle sur le banc. Pim, pim, je frappe pim, pim. La balle. Je la ramasse. Je me dis pour pénitence, faut que je réchauffe le banc. À mesure que je grandissais, j'avais un idéal. C'était de jouer à la balle. Mais lorsque il y a eu un grand changement, lorsque j'ai eu mon deuxième gant, je m'en allais. Un soir comme ça, moi l'inconnu, moi l'étranger, je cherche un petit coin pour me réchauffer. Mais où est-il le nid si doux, le savez-vous? Chambre à louer. Chambre à louer. Chambre chauffée, meublée, située rue des Lormiers. Chambre à louer. Comme un grand. Chambre à louer. J'avais retiré la somme de mon compte personnel à la caisse populaire des Jardins des Galeries Chagnon. Oh, j'avais les moyens économiques de la faire suer, maman. Le proprio m'avait demandé comment je comptais régler chaque mois, comme il trouvait que j'avais l'air bien jeune. Chambre à louer. Je m'étais bien gardé de lui révéler que sous mon cuir et mes faux airs de petit voyou, je n'avais que 14 ans. Je l'embobinais avec le sourire en plus. Je lui racontais n'importe quoi. Exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. N'importe quelle salade que j'inventais au pied levé. Je voulais me rapprocher du resto. Oui, c'est ça. Je travaillais à mi-temps pour mon père. Le PFK sur Côte du Passage, vous connaissez? Ouais, qui ne connaît pas, bien sûr. Pour augmenter mes économies, tiens. Et... de même que mes heures de travail, évidemment. Il faut ce qu'il faut, monsieur. Ouais.

C'est tout pour ce soir, les amis. On a été au bout de notre recherche d'exutoire. Alors, comme toute bonne chose, on a une faim. On a faim aussi. On va aller manger chez nous. Mais on va peut-être aller au quartier de lune. Toi, Lana, ça te tente-tu? Peut-être. Bon, alors, le quartier de lune sur la 3e avenue avec Stéphane Morin au karaoké. On va peut-être aller chanter une petite chanson d'Elvis. Hein? Moi, pour l'instant, je veux dire bonne nuit à nos chers auditeurs. On se voit la semaine prochaine. D'accord, alors. On va être sérieux et on va dire bonne nuit. À tous nos auditeurs, à tous les nouveaux venus, parce qu'il y a toujours des nouveaux venus sur l'émission Genix et Climax 80 qui clôt ce soir son 18e épisode. Et on vous remercie, les amis, c'est grâce à vous. Et c'est tout ce qu'on a pour vous cette semaine. On vous souhaite une excellente fin de semaine et on vous souhaite l'exutoire pour ce week-end. C'est correct, ça? Yep, yep. Je pense que oui. Bonne fin de semaine, les amis. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 19. Ça s'annonce hot! Il va y avoir une confrontation, là, je pense. Hein. Ça va être pas mal émotif. Restez des nôtres, les amis. La semaine prochaine. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez de l'émission. On n'a pas eu le temps de prendre les appels, mais ça va se faire, les amis. Parce que là, on avait pas mal de stock à rentrer, puis c'est ça qui est ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, à la semaine prochaine, les amis. Bonne nuit. Bon rêve. Pas de puce. Pas de punaise. Des idées sur tout et n'importe quoi, parce que vous cherchez désespérément un semblant de contrôle. En quête de pouvoir, savez-vous de quelle manière l'industrie culturelle use et abuse de l'art? Ou de réponse? Vous trouverez tout cela et bien plus au Théâtre Périscope. Consultez notre programmation théâtrale en ligne au théâtrepériscope.qc.ca pour une découverte culturelle captivante. À l'affiche en novembre, Job, puis en décembre, Use et abuse. Un livre audio de la Guignolée des médias, lu par Anne Dorval. Chapitre 1. Il était une fois une mère monoparentale. Soudain, elle n'arrivait plus à payer ses factures. Fin. La fin est si vite arrivée. Plus de 500 000 personnes demandent de l'aide alimentaire chaque mois. Si vous le pouvez, donnez chez Maxi, Provigo, les concessionnaires Nissan ou à guignolée.ca. Bientôt au Palais Montcalm. Le groupe Blue Rodeo célèbre ses 40 ans avec ses plus grands succès. L'enfant chéri de l'indie folk, Leif Volbeck. Les vedettes montantes du jazz vocal, Kitty Giorgi et Gabby Hartmann. L'ensemble cubain Cubanismo avec le fabuleux trompettiste Jesus Almani. Et l'organiste virtuose Cameron Carpenter crée la trame sonore du film Le fantôme de l'opéra. Détails au palaismontcalm.ca. Savez-vous que les milieux humides atténuent les effets des inondations et des sécheresses et qu'ils protègent ainsi nos collectivités et soutiennent la production alimentaire? Ils représentent 6 % de la surface de la Terre, mais stockent 33 % du carbone de la planète. Si la vie vous tient à cœur, remerciez un milieu humide. Renseignez-vous sur les milieux humides au travail auprès de Canard Illimité Canada. Consultez le site canard.ca/milieu-humide.